On va parler de football collégial. On sait que c'est le temps de l'année où ce que les joueurs des écoles secondaires décident de poursuivre leurs études et annoncent dans quelle équipe de football collégial ils vont évoluer l'an prochain. Et une nouvelle intéressante qui est survenue la semaine dernière, c'est que Mathias Boulian-Adams, qui est un joueur de ligne très convoité, qui a été le meilleur joueur de ligne chez les Lynx d'Alma l'an dernier et qui vient de Saint-Augustin, a annoncé qu'il poursuivrait sa carrière de joueur de football avec les Janois d'Alma. Belle nouvelle pour l'organisation des Janois. On en parle avec l'instructeur-chef, le nouvel instructeur-chef des Janois, Jean-Philippe Caron. Bon matin, Jean-Philippe. Ben, bon matin aussi, merci beaucoup. Alors oui, c'est sûr que c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous que Mathias se joint de nous autres. On disait que c'est ça, ça avait été le meilleur joueur de ligne offensive là, des Lynx, mais il a aussi été le joueur le plus voté là, au niveau de l'équipe d'étoiles. Donc c'est vraiment un Oh, gros morceau OK, qui s'en vient chez nous pour 3 ans. OK, je ne savais Donc pas, par exemple. Dans le cas de Mathias, 6 pieds 2, 245 livres, je me cacherai pas, là, c'est ses parents avec moi. Donc, la situation, je la connais très bien. C'est un joueur très fort pour son âge. Je sais que l'an dernier, l'instructeur Luc Boudreau mentionnait qu'il y avait un énorme potentiel. Jusqu'à où vous le voyez? ben, moi, personnellement, c'est ça. Moi, je l'avais coaché comme joueur de ligne défensif au début. Tu sais, ça allait OK. bien, mais c'était difficile. Aussitôt qu'il a changé de position, là, dans le fond, c'est l'an passé, c'était la première fois que vraiment qu'il allait sur la ligne offensive là, dans le juvénile. Puis tout de suite, il a vraiment développé. Puis c'est un gars qui commence vraiment à s'entraîner fort. Tu sais, c'est un gars qui s'entraînait, mais il commence ses fermes tout. Mais là, il commence vraiment à s'entraîner au niveau football. Donc, je pense qu'il va grandir, il va grossir encore. Puis s'il travaille assez fort, ben, je pense que l'université, c'est possible. OK, donc évidemment, c'est un gars qui étudie également pour devenir agriculteur. Donc, Oui. est-ce que là, ça il reste du temps à voir également, là. Mais le fait que les Genois sont en reconstruction, sont en jeu, est-ce que tu prévois l'emmener tout de suite dans l'action l'an prochain ou il aura à apprendre, mettons, la moitié de la saison au moins pour apprendre le livre de jeu et ainsi de suite? Ben, premièrement, c'est sûr que c'est le même coordinateur offensif au juvénile et au collégial. Donc, c'est sûr qu'au niveau playbook, là, il n'y aura pas trop de problèmes. Puis, je pense qu'au niveau qu'il a là, justement, moi, c'est pas une force pour moi, ma ligne offensive. Donc, c'est assuré qu'il va être sur le terrain au premier match, là. Je peux vous le dire sans me gêner. OK, donc c'est une bonne nouvelle. Dis-moi, est-ce qu'on annonce d'autres signatures? Est-ce qu'on prévoit d'autres signatures chez les Janois d'Allemagne? Oui, mais c'est sûr que le mot en première pratique est le 11 février, ben, samedi qui arrive là. Donc, il y a plusieurs joueurs là, qui ont l'intention de signer là. Puis, il y a déjà plusieurs signatures de fait. Puis, il y en a plusieurs à venir. Puis, j'ai l'intention, je peux partir en France là, dans les prochaines semaines, aller voir là, justement pour aller chercher quelques joueurs de ligne, quelques joueurs de qualité. Donc, oui, il y a plusieurs signatures qui s'en viennent. Puis, au niveau de la reconstruction, je crois que ça se passe assez bien. OK. Parce que c'est compliqué, là. Je veux dire, les dernières années, ça a été difficile à Alma. Est-ce que tu prévois, moi, avoir une augmentation? C'est quoi ton pitch de vente? Est-ce que les équipes, j'imagine une équipe comme. C'est sûr qu'au niveau collégial, c'est souvent est-ce que le cours se donne? C'est souvent ça, là. C'est l'école qui passe avant tout. Mais le fait qu'à Alma, vous avez quand même une technique policière, ça doit aider, ça, quelque part, pour recruter des joueurs? Oui, c'est sûr qu'au niveau de la technique policière, là, on a quand même quelques joueurs qui viennent là, malgré que c'est assez dur de rentrer là, c'est contingenté, comme on dit. Mais quand même, il y a quelques joueurs. Puis c'est sûr qu'au niveau des différentes techniques, peut-être qu'on a un petit peu moins qu'ailleurs, mais je pense que j'arrive avec des nouveaux projets, là, avec aussi le CIL d'intérieur, le centre multisport là, qui vient d'ouvrir. Donc je pense que ça, c'est une bonne nouvelle. Là. Les jeunes sont vraiment contents de pratiquer là-dedans. Ensuite, on s'est associé avec le gym en ville, le gym multi-fitness. Donc, les gars, ils ont une passe hors saison là, pour les gars qui sont pour les Janois. Donc, tu sais, on a plusieurs avantages. On arrive avec des nouveaux projets, des nouvelles choses. Je pense que les jeunes aiment ça aussi. Je crois que c'est assez vendeur. Là, puis ce qu'on veut, c'est ramener le plus de joueurs possible. Et pour ça passe par le recrutement, par aller voir dans les écoles puis aller chercher le plus de monde possible. Quand, c'est sûr, ça fait une couple d'années que je fais pas d'entrevue avec les gens au football. Les dernières entrevues que je faisais avec Mathieu, il me disait, on a de la misère à recruter, on a de la misère à recruter. On a un alignement vraiment, vraiment limité. Est-ce que l'an prochain, est-ce que tu prévois que ça va être quand même, tu n'auras plus ce problème-là? Ben, moi, personnellement, je pense que le recrutement va quand même bien. J'ai déjà 10 signatures. Plus, j'en ai plusieurs qui s'en viennent. Donc, si on est capable d'aller chercher un 17, 18, 20 joueurs par année, là, ça sera pas trop long. Notre programme, il va remonter. Là. Je pense que je mets beaucoup d'efforts là-dessus. Je travaille extrêmement fort. Même les coachs sont avec moi, ils s'impliquent aussi. Donc, bon, je pense que ça va se replacer. Là, je crois que j'ai bon espoir. OK. Parle-moi maintenant de la France. Je sais que Nick Menacci est allé récemment. Lui a un programme vraiment là, spécifique, une entente qui permet directement, il fait partie d'une entente avec trois collèges. François Laberge du Cégep de Jonquière est actuellement en France, il revient lundi. Toi, tu prévois y aller et j'imagine qu'il y en a d'autres collèges qui s'en vont, qui vont visiter également. C'est une pépinière. Est-ce que où ça va s'arrêter? Ça? Est-ce qu'il y a d'autres pays? Est-ce qu'on prévoit visiter d'autres pays aussi? Parce que il y a la Suisse, il peut y avoir l'Allemagne. Ben, des gens qui veulent apprendre le français, j'imagine. On va se limiter à la France jusqu'à maintenant. Ah, c'est sûr que pour l'instant, c'est plus au niveau de la France. Mais je sais qu'il y a des bons joueurs un petit peu partout. Mais c'est sûr que la problématique, c'est d'amener des gars qui savent parler français d'avance. Donc, ça leur donne un bon coup de main. Ensuite de tout ça, je sais que au niveau de la France, il y a peut-être 6 équipes. Là. Nous, les 3 équipes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc Alma, Jonquière, Chicoutimi, Tetfelmein, je sais que Lévis va un petit peu. Donc c'est ça. Là. Nous, c'est toujours de se trouver une des petites pépinières à nous autres, puis de ramener le plus de gars possible de là. Puis, de toute façon, on veut pas ramener le plus de gars, mais on veut ramener le plus de qualité, là, je dirais. Okay. Donc, amener des gars qui vont jouer toute leur première année. Donc, on ne veut pas amener des gars de la France pour les faire jouer sur le banc, là, c'est bien sûr. Ben, c'est sûr. Ou encore, c'est moins intéressant. C'est moins intéressant, mais par contre, s'il est là pour longtemps, on peut travailler avec davantage. Là. Oui, c'est sûr. Mais soit ils viennent pour 2 ans, ou peut-être 3 ans, là, c'est sûr que nous autres, puis aussi quand on les amène ici, ce qu'on veut, c'est qu'ils ressortent avec un diplôme et qu'ils viennent pas ici 3 ans pour juste jouer au football et rien faire d'autre. On priorise, puis ça, c'est avec tout le monde. On priorise l'école, on priorise que les gars sortent des diplômes, soient des meilleures personnes à la fin. C'est là-dessus qu'on veut miser. OK. Jean-Philippe, dernière question. Ton personnel d'entraîneur, étant donné que c'est ta première année, est-ce que tu as eu à reconstruire beaucoup? Est-ce que tu as emmené ta gang? Ou vraiment, là, il y a des anciens coordonnateurs à l'attaque, à la défense, qui étaient du temps de Mathieu, qui restent avec l'équipe? Comment ça va fonctionner? Bien, alors, c'est sûr que moi, je travaillais déjà avec Frédéric, Claude Juvenil. Okay. Frédéric Monger, qui va rester mon coordonnateur offensif. Okay. Ensuite de tout ça, il y a Simon-Pierre Godreau qui est avec les receveurs qui va rester là aussi, qui est un ami à moi là, depuis longtemps. Au niveau des porteurs de ballon, lui qui était là, il ça a été fini. Donc ça va être Gracien Roussel qui vient, là, un gars que j'ai joué avec, qui a une bonne expérience au niveau football. Ensuite de tout ça, il y a Charles Cochon qui va être avec la ligne offensive, qui a déjà joué à l'université. Donc au niveau offensif, là, on va avoir un bon groupe. Puis défensivement, ça va être moi qui m'occupe de la défensive puis de la ligne défensive aussi. Donc, moi, je suis sûr que j'ai eu quand même des bons résultats au niveau de la défensive partout où je suis allé. Je voulais arriver avec mon système, peut-être pour 1 an ou 2, puis après ça, là, peut-être en donner un petit peu plus aux autres. Ensuite, Bruno Langevin qui a joué à Laval, qui va être avec mes amis défensifs. Là, je parle avec un coach des secondaires. Là, je voudrais pas l'annoncer tout de suite parce que c'est pas réglé, mais c'est pas mal sûr qu'il va venir chez moi. Puis c'est un gars qui a joué pour Laval aussi. Donc, je pense qu'on va avoir un bon groupe d'entraîneurs jeunes et dynamiques. Je pense que ça va être pas un plus pour nous. OK. Ben Jean-Philippe Caron, un gros merci. On va s'en reparler certainement durant l'année, comme on le fait avec le Cégep d'Alma et le Cégep de Chicoutimi. On va suivre les activités, surtout pour les joueurs du Haut-du-Lac, je dirais, de Robertval jusqu'à Saint-Ludger-de-Milhaud. On va les suivre davantage. OK, parfait. Ben, il va peut-être avoir des nouvelles qui s'en viennent, je ne peux pas le confirmer, mais peut-être qu'on va s'en parler prochainement. Très prochainement. Ben, Jean-Philippe Caron, qui nous parlait de la signature de Mathias Boulian-Adams avec les Genoux d'Alma.